Le jardin mystique par Édouard Laboulaye. Souviens-toi des anciens jours, songe à la suite des générations, interroge ton père, il t'instruira. Interroge ceux qui sont plus âgés que toi, ils te raconteront le passé. Si jamais peuple est resté fidèle à la tradition, c'est celui à qui ces paroles s'adressaient, c'est le peuple juif. Il a tout conservé, histoire et légende. Ajoutons, pour être juste, que la Bible exceptée, il a tout mêlé. C'est là ce qui fait que les amateurs de contes ont un faible pour cette race malheureuse, qui a été si longtemps et si injustement le jouet du sort et le rebut des nations. Elle nous a conservé les traditions de l'Orient. Elle les a portées et disséminées dans tous les coins de la terre. Son esprit vit en nous plus que nous ne pensons. On ne sait pas assez quelle a été l'influence de ces rabbins persécutés. On a méprisé leurs livres presque autant que leurs personnes, et cependant on y a puisé largement. Quand nous lisons une ingénieuse moralité, un apologue transparent, nous ne nous inquiétons guère de savoir comment il est venu jusqu'à nous. Il y a là une ingratitude dont nous nous rendons coupables tous les jours et qui nous laisse peu de remords. Pour moi, j'aime les rabbins malgré leur subtilité excessive. J'ai lu avec plaisir dans des traductions le Beshinat Olam, le Shevet Yehuda, le livre de Koussari, le Sandabar, et s'il faut l'avouer, de temps en temps j'ouvre la Mishnah latine de Suranusius pour y étudier la scène morale du Pirkei Avot, et plus souvent, hélas, pour y chercher quelqu'un de ces contes qui charment et reposent l'esprit. Il est surtout une branche de la littérature rabbinique qui a pour moi un attrait particulier. Ce sont tous ces livres espagnols, originaux ou traduits, que les rabbins chassés d'Espagne ont publié en Hollande, dans le seul pays qui, du XVIe au XVIIIe siècle, leur offrit la liberté. Peu de gens recherchent ces œuvres ignorées, et je ne crois pas qu'aux enchères on me disputa un prix élevé, Despero de la Vanidad del Mundo, publié à Amsterdam en 1676 par Abraham Pereira, ni même les Consolacam Astribula Coens de Israël, écrites en portugais par Samuel Huske, quoique le livre soit imprimé à Ferrare en 1552 et dédié à l'illustrissima Signora Donna Gracia Naschi. De fait, je n'ai connu qu'un seul homme qui se soucia de cette littérature et c'était un Israélite. Munk, le savant traducteur de Maïmonide, cet aveugle prodigieux qui savait la Bible par cœur et pouvait citer le livre, le chapitre, le verset, où tel mot hébreu était pris en tel ou tel sens. Munk recueillait ces vieux livres, il les connaissait par leur titre, leur date, leur format. Il les avait lus, il en appréciait le mérite. C'est à lui que je portais mes trouvailles. C'est lui qui m'en disait l'importance et le prix. Il savait tout, mais il y avait encore quelque chose de plus admirable en lui que l'érudition. C'était la sérénité de son esprit et la bonté de son cœur. Je ne puis voir un de ces recueils espagnols sans me rappeler l'excellent confrère que nous avons perdu à l'Académie. Il était à la fois l'honneur de la science et l'honneur de son peuple. De notre temps, nul n'a fait plus que lui pour relever le nom d'Israël. C'est depuis la perte de ce savant homme que, me promenant un jour sur les quais, suivant une vieille habitude, j'aperçus à l'étalage d'un bouquiniste un petit volume in quarto relié en parchemin et d'assez mince apparence. L'aspect étranger de ce livre me séduisit, et moyennant quelques sous, j'achetai ce trésor qui, sans ma curiosité, courait grand risque de rester éternellement oublié dans la poussière, où peut-être il dormait depuis longtemps. Qu'était-ce que ce précieux in quarto? C'était un livre hébreu traduit en espagnol, l'œuvre d'un de ces nombreux rabbins qui ont apporté et répandu en Europe les contes, ou ce qui revient au même, la sagesse de l'Orient. Le titre de ce livre, écrit en hébreu, était Sefer Anagash Hashayim, et le titre était suivi de la traduction espagnole Regimento de la Vida, c'est-à-dire du gouvernement de la vie. Livre de grande érudition et de grande doctrine, ajoutaient les traducteurs, et dans lequel, comme dans un miroir de cristal, chacun pourra voir et corriger ses erreurs et ses vices, en se servant ainsi de cette vie passagère pour mériter d'atteindre la gloire éternelle. Cette œuvre a été composée par le très éminent et très vertueux Rabbi Moshe Al-Mosnino. Elle paraît pour la première fois en espagnol par l'industrie de Samuel Mendes de Sola, Joseph Ciprut Gabay et Jeuda Pizza. quand j'aurais dit que le volume était imprimé à Amsterdam, l'an du monde, 5489 ou 1728, j'en aurais achevé la description. Mon intention n'est pas de faire l'analyse de cette œuvre, où la morale d'Aristote et celle de la Bible sont mêlées et fondues ensemble de façon plus ou moins heureuse. Ce travail ne plairait guère à mes jeunes lecteurs. D'ailleurs, j'avoue franchement que ce que je cherchais dans ce livre, c'était les contes, les apologues, les maximes, dont abondent ordinairement les traités rabbiniques écrits à l'imitation du Talmud. Le très éminent et très vertueux Moshe Al-Mosnino a eu le bon esprit de suivre la voie commune. Dans son gouvernement de la vie, j'ai trouvé un apologue qui a toute la sévérité et toute la dignité de la morale judaïque. Je l'ai traduit et je crois qu'on le lira avec plaisir. Cette fable transparente en dira plus long que toutes nos paroles. Elle montrera de quelles idées s'occupait dans son exil ce peuple que l'Europe dédaignait sans raison et persécutait sans pitié. Je laisse maintenant la parole au vieux rabbin. Le jardin mystique. Nos sages nous ont laissé un récit fort ancien mais digne de perpétuelle mémoire. Ils nous disent qu'il y avait une fois un roi très puissant, très sage et très juste. Ce roi avait fait promulguer une loi dans tous ses états. Cette loi disait qu'on ne donnerait récompense, emploi ni honneur, sinon à ceux qui l'auraient mérité, en servant le roi ou la république, et conformément au mérite de chacun. Dans la suite des temps, il naquit à la cour trois enfants, tous de sang royal. Tous trois arrivèrent à la jeunesse, riches de vertu et de talent, beaux, bien faits, aimables, chéris et estimés de tous. Le roi, qui les aimait beaucoup et qui désirait leur donner un état conforme à leur mérite, leur dit un jour « Mes enfants, je veux vous faire tout l'honneur et tout le bien possible. Je veux vous mettre en plus haute condition qu'aucun de ceux qui sont en mon palais, parce que vous avez trouvé grâce devant mes yeux et que je vous crois capable de toute espèce de vertu. Mais tout mon peuple sait, et vous savez aussi qu'il y a dans mon royaume une loi que je ne puis violer. Je ne puis conférer ni honneur ni emploi à personne, sinon en récompense de services rendus. Ce n'est donc pas en restant à la cour que vous pouvez gagner le rang que je vous destine. Partez, je vous le conseille. Parcourez tout le royaume, tâchez de mériter par vos exploits le prix que vous promet la loi et que je désire vous donner. Vous reviendrez à la cour quand je vous rappellerai. Jusque-là, tenez note de ce que vous ferez, car tel sera votre mérite, telle sera votre récompense. » Les trois jeunes gens avaient grand regret de quitter la cour, mais le roi parlait, il fallait obéir. Tous trois prirent donc congé du prince et s'embarquèrent par un beau temps, laissant à la fortune le soin de les conduire. Ils étaient déjà fort loin de la cour lorsqu'ils abordèrent dans une île qui, vue de la haute mer, leur avait paru fertile et riante. Au milieu de l'île, ils trouvèrent un beau jardin tout rempli de fruits. Mais quand ils en approchèrent, trois gardiens vinrent au-devant d'eux et, tout en leur permettant d'entrer, leur donnèrent chacun un conseil. Le premier gardien dit qu'il ne fallait pas penser à rester toujours dans ce jardin. Un moment viendrait où force serait d'en sortir. Aucun de ceux qu'ils avaient précédés dans ce séjour n'avait pu y demeurer. Telle était la règle, les uns entraient, les autres sortaient. Le second leur dit de se graver dans la mémoire qu'ils sortiraient de ce jardin tel qu'ils y entraient, libres à eux de jouir de tout ce qu'ils trouveraient. Dans cette enceinte, personne ne les y gênerait, mais au départ, défense formelle de rien emporter avec eux. Le troisième gardien leur recommanda de se modérer dans leur goût et leur plaisir, et de n'en rien faire que de bon et d'honnête, ajoutant que cette conduite les aiderait beaucoup à conserver la vie. Après avoir entendu ces sages conseils, les trois jeunes gens entrèrent dans le jardin. Il était encore plus beau et plus riche qu'ils ne l'avaient jugé du dehors. On y trouvait en abondance des arbres chargés de fruits, des plantes et des fleurs aussi agréables à l'odorat qu'à la vue. Les rossignols chantaient à l'ombre des grands chênes, et une foule d'oiseaux charmait l'oreille par leurs concerts mélodieux. Des eaux courantes portaient partout la fraîcheur et la vie. Quelle fut la joie des trois compagnons, il n'est pas besoin de le dire. Ils mangèrent de ces excellents fruits, ils burent de ces eaux savoureuses, ils se reposèrent à l'ombre de ces arbres épais, écoutant le rossignol, tandis que l'air agitait doucement le feuillage pour leur apporter l'odeur pénétrante des fleurs. Au bout de quelque temps, ils se séparèrent. Chacun avait choisi le côté du jardin qui lui plaisait le mieux. Séduit par la beauté des fruits et la fraîcheur des eaux, le premier des trois jeunes gens ne pensa qu'à jouir de ce qu'il avait sous la main. Boire, manger, dormir, mener joyeuse vie et ne s'inquiéter de rien, telle fut sa seule pensée. Il oublia tout à fait les conseils que le troisième gardien lui avait donnés. Ce n'étaient ni les fruits ni les fleurs qui avaient charmé le second des jeunes gens. Il avait trouvé dans un coin et en abondance de l'or, de l'argent, des pierreries. Ébloui par ses trésors, il ne pensait qu'à s'en emparer. De ses habits, il avait fait autant de sacs pour y entasser toutes ses richesses. Tout entier à cette idée, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne dormait pas. Quant à user du jardin et de ses plaisirs, il n'y songea pas un moment, oubliant ce que lui avait dit le second gardien, qu'il fallait jouir de tout ce qu'on trouverait dans ce séjour et n'en rien garder, parce qu'on n'en pourrait rien emporter avec soi. Le troisième avait gravé dans sa mémoire tout ce que lui avaient dit les trois gardiens. Ainsi ne fit-il pas comme ses compagnons. La voie qu'ils avaient prise lui paraissait dangereuse et mauvaise. Ce n'était pas là ce qu'on leur avait enseigné. Notre jeune homme usa donc du jardin et de ses plaisirs, mais autant seulement qu'il était nécessaire pour soutenir sa vie. Il employa son temps à étudier ce séjour et ce qu'il renfermait. En regardant ses fruits, ses fleurs, ses animaux et leur prodigieuse diversité, en recherchant la propriété de chaque plante, il admirait le perpétuel miracle de la nature. En suivant le cours des eaux si bien distribuées, que de degré en degré, de sillon en sillon, il n'y avait pas une herbe qui ne fût arrosée. Il ne se lassait pas de contempler cet ordre incroyable qui met chaque chose à sa place. Ce qui ajoutait à son étonnement, c'est que dans ce jardin si bien réglé, on ne voyait pas de jardinier. Mais la réflexion lui dit bientôt qu'un ordre si parfait ne pouvait être un accident, et qu'il y avait certainement un très sage jardinier, un maître invisible, qui gouvernait ce beau domaine. Chaque jour ajoutait à son admiration, chaque jour ajoutait à son désir de connaître le maître du jardin. Il le cherchait partout, et sans l'avoir jamais vu, il l'aimait pour tout le plaisir que lui donnait le spectacle et l'étude de tant de merveilles. Tandis que chacun des trois jeunes gens se gouvernait ainsi en toute liberté, il vint un esclave du roi qui leur intima l'ordre de retourner sur le champ à la cour pour y rendre compte de leur vie. Chacun se mit en route et gagna la porte par où il était entré. Mais à peine sorti, le premier des jeunes gens, celui qui n'avait songé qu'à son plaisir, se sentit saisi par le changement d'air. Et n'ayant plus les fruits du jardin pour se soutenir, son ventre enfla, ses forces l'abandonnèrent, il tomba à terre et mourut. Le second se traînait à palans, chargé comme un âne. L'espoir de jouir un jour de son argent lui faisait oublier la fatigue. Mais arrivé à la porte du jardin, les gardiens, étonnés de le voir si lourd dans sa démarche, se saisirent de sa personne et le dépouillèrent en un instant, sans lui rien laisser. Le malheureux se mit à gémir et à pleurer. Tout son travail, toute sa peine, ne l'avait mené qu'à la misère et au désespoir. En entendant la voix du messager qui l'appelait par l'ordre du roi, le troisième avait ressenti une vive allégresse. Ce maître qu'il n'avait pu voir, sans doute il le trouverait au sortir du jardin. Il pourrait enfin lui témoigner toute sa gratitude et tout son amour. D'ailleurs, il ne l'avait pas offensé. Loin de là, il avait tout fait pour reconnaître sa volonté et pour lui obéir. Ce fut donc le cœur plein d'espérance et sans rien emporter avec lui que le jeune homme courut à la porte du jardin. Il y fut bien reçu par les gardiens, heureux de voir avec quel empressement il obéissait aux ordres du roi. En approchant de la cour, celui qu'on avait dépouillé était si fatigué et si misérable qu'il ne pouvait plus se tenir sur ses pieds. Il avait beau crier qu'il était de sang royal, personne n'ajoutait foi à ses paroles. Bien plus, les esclaves de la cour, indignés qu'un pareil mendiant osât se dire parent du roi, le jetèrent à la porte du palais et le mirent dans une étroite prison où il eut tout le temps d'expier sa faute et de pleurer sa folie. Autant ce misérable fut maltraité, autant son compagnon fut bien reçu. Tous les grands de la cour sortirent à sa rencontre, tous l'embrassèrent, et pour lui faire honneur, l'accompagnèrent jusqu'à la salle où était le roi. En voyant ce jeune homme allègre et dispos, le roi se réjouit, et bien que rien ne lui fût caché, il demanda au nouveau venu ce qu'il avait fait depuis qu'on l'avait vu. Le jeune homme conta au roi tout ce qu'il avait remarqué de beau et de grand dans le délicieux jardin où il avait vécu, puis il ajouta « Je suis sûr à présent que ce jardin a un maître d'une sagesse excellente. Ce maître ne peut être loin, quoiqu'il prenne plaisir à se cacher, et tout mon désir est de lui témoigner la reconnaissance et l'amour que la vue de ses œuvres m'a inspiré. » Alors le roi lui répondit « Puisque tu as si bien employé ta vie, je comblerai ton désir. C'est moi qui suis le maître de ce jardin. C'est moi qui d'ici le gouverne par mes ministres. Il n'y a bête si petite, ni herbe si humble, qui n'ait un serviteur pour en prendre soin et la faire grandir. » En voyant et en entendant tout cela, le bienheureux sentit croître encore l'amour qu'il portait à son maître. Il goûta une joie infinie à le connaître et habita désormais à la cour avec tout l'honneur qu'il méritait. Morale. Le sens de cette histoire, continue le vieux rabbin, est aisé à saisir. Le roi est le créateur suprême et le gouverneur souverain de toutes choses. Le jardin, c'est le monde. Les trois jeunes gens nous représentent les trois espèces d'hommes qui sont ici-bas. L'une ne cherche que le plaisir, l'autre court après la fortune, la troisième n'aime que le bien, qui est la véritable fin de l'homme. Si les trois jeunes gens sont de sang royal, c'est qu'ils appartiennent à Israël, au peuple élu de Dieu. Quant au conseil des trois gardiens, nous savons qu'ils sont vrais. Le premier conseil est la parole même que Dieu dit à Adam. « Tu es poudre et tu retourneras en poudre. » Genèse 3, 19. Le second est la parole que dit Job. « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y rentrerai. » Job 1, 20. Enfin, le troisième est cette grande parole de Moïse, notre maître en Israël nommé par Dieu. « Aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et le bien, et aussi la mort et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, 16, 19. N'est-ce pas dire que la vie consiste à faire le bien et la mort à faire le mal? Qui pèsera bien ces trois paroles et les aura toujours en mémoire? Celui-là ne pourra se tromper sur le véritable chemin. Il trouvera la voie qui, au sortir de la vie, mène au repos suprême. Garde donc cet exemple comme un miroir. Et maintenant que dans sa miséricorde infinie, Dieu te donne sa grâce pour le servir, puisses-tu de cette façon obtenir la paix en cette vie et la gloire en l'autre. Amen. C'était Le Jardin Mystique, par Édouard Laboulaye.